89.1. Le blanc d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Gabriel Béhoud nous donnera un avant-goût du match Olympiade de la Huître et on goûtera un produit du tiroir de notre chronique Une grosse pointe dans le reste. Assemblage Requis commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage Requis en ce jeudi 10 septembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Avec Tania Baudin. Hey, c'est Tania Baudin, ça va? Oui, très bien, toi? Oui, on est allé au spectacle de la rentrée hier. Ouais. Et t'es resté plus tard que moi, espèce de rebelle. Ce matin, je me sens comme s'il y avait un 18 roues qui avait passé sur moi. Tu sais, c'est là que je me rends compte que j'ai plus 17, 18 ans et que je ne peux plus dormir simplement 4 heures par nuit. Sachez qu'elle a comme 23 ans, ce qui est pas mal la même chose. Ouais, exactement, mais... T'es partie tard? Je suis pas partie si tard. Je suis partie... en plus, ça m'a pris 15 minutes de sortir de la chaise-galerie tellement il y avait du monde. Bon, je suis partie à 1h moins quart. Quand je suis sortie de la chasse-galerie, il était 1h en fait. Pas si pire. Je suis partie à 11h et quart, fait que tu sais. Oui, c'est ça quand même. Mais beaucoup, beaucoup de monde qui était ici hier. C'était un très beau spectacle. Absolument, fantastique. On a parlé beaucoup hier matin en vous donnant un petit avant-goût, mais quand même, revenons-y. J'ai raté presque tout le spectacle parce que j'étais en train de faire la mise en onde du baseball des Aigles. Mais oui, qui ont gagné d'ailleurs. Oui, félicitations 2-1. Aux oiseaux de Trois-Rivières. Bravo. La série est 1-0 en ce moment-là. Mais oui, comme tu le dis, t'as quand même manqué une bonne partie du spectacle. Je me souviens, t'es arrivé pour venir nous rejoindre pour la partie de Locolocas, mais... Celle que je voulais le moins voir. Bon. Je sais pas si je suis la seule à avoir pensé que Biz avait l'air d'un gars qui filait vraiment pas sur le stage. C'est vrai. Mais en tout cas, ça a quand même été un très bon spectacle. Les gens ont reçu Locolocas comme si c'était un groupe heavy metal au Centre Bell, quand même. Mais ça m'a surpris que les gens soient autant dedans pour le colocage. Je pensais que c'était sur sa fin, ça, que c'était en pente descendante. Tu vois, moi aussi, je croyais ça, mais non, hier, la foule nous a fait démentir le fait que le colocage, en fait, c'est encore très in ici à Trois-Rivières. Et on se souvient, il disait hier en spectacle, Biz a étudié ici à Trois-Rivières, alors petit lien d'appartenance pour lui. En récréo, en plus, il y avait beaucoup de gens récréo. Oh oui, mon Dieu, on se souvient, là, ça criait au récréo, un peu partout sur le terrain hier. Il faut dire que c'est du monde de récréo, les bénévoles, souvent, dans les événements, c'est fou, parce que Colin, c'est ce qu'ils font dans leur domaine. Et voilà. De l'entertainment. Mais je dois aussi te dire que t'as manqué toute une première partie. Là, je suis triste. Ouais. On avait des bands vraiment à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Hier, on en parlait avec Jean-Philippe Charbonneau, le directeur général de la station C'est Fou et du Zone Campus. Il nous disait que ça allait être quelque chose de vraiment extraordinaire et il ne mentait pas. Galaxy a eu une performance vraiment très bonne. Il y avait beaucoup moins de monde sur le terrain vu que c'était un petit peu plus tôt. C'était à 19h. Oui, exactement. C'était à 19h. Par contre, du moment que toutes les courses se sont terminées et que les gens ont terminé de souper, j'ai eu l'impression que là, le terrain était rempli de monde comme ça se pouvait pas. Il y avait vraiment beaucoup de monde pour Loud Larry Adjust. Corias, Karim Ouellet était là. Oui. Mister Valère. Alors, vraiment... Tout ça mis ensemble, on se souvient, les gars ont joué ensemble, les cuivres sont restés avec Corias pour tout le long de la première partie. C'était écœurant et ils ont aussi participé à l'after show qui était ici au 10-12. Alors, Loud Larry Adjust, en fait, ont décidé de monter sur scène hier soir et de refaire quelques performances dans le 10-12. Est-ce que vous étiez à Toast Dog? Parce que là, Toast Dog. Peut-être, on sait pas. Oh. Mais vraiment, je connaissais déjà Loud Larry Adjust. J'avais jamais vu Mister Valère en spectacle. Et je suis grandement surprise d'avoir autant apprécié la première partie. Et ce que moi, j'ai trouvé, c'est qu'il y avait beaucoup plus de monde pour la première partie que pour la deuxième partie. Okay. Est-ce que là, les gens ont trouvé l'attente entre la première et la deuxième trop longue et ont décidé finalement de dévier vers l'odeur de la bière de la chasse-galerie? Ou bien les gens ont tout simplement dit « Ben, c'est le colocasse après. Moi, j'ai vu ce que je voulais voir, je m'en vais. » Honnêtement, la première partie, moi, j'ai préféré la première partie. Très bonne performance de tous les gars qui étaient sur stage hier. Bon, ben, est-ce qu'on en écoute de ces gens-là? Eh, ben oui, pourquoi pas? Commençons avec une pièce de Lord Larry Adjust avec Karim Ouellet. Ben oui, évidemment, qui était ici hier aussi. Uh-huh. Et après ça, on va entendre du Galaxy. Mais commençons avec Lord Larry Adjust. C'est la pièce Automne sur C'est fou. C'est un assemblage requis. J'allais flasher mon linge du funerals. Cause everybody dead, je les vois dans les yeux. What up? Restez silencieux pendant les verses. Shut up. Restez silencieux pendant les derniers vœux du jeune homme. Les sourires, c'est pas mon fort, je trouve ça presque gênant. So watch on sentimental, j'ai pas le wallet de Karen. All about the money, j'ai pas choisi d'aller facile. Shooting for the stars, aiming for the moon. Made a finger to the sun, still I'm on the run, I call the boo. Starting sous le bar comme un trou. A few bottles of photo bush, I call the boo. Tu veux tromper ta blonde, tromper la mort. Un nouveau crib, un nouveau chat. Living big like there's no tomorrow. Till they find you in the total car, au revoir. Que j'avais chargé de deux balles le premier jour où je t'ai croisé en automne. Faudrait leur donner du soleil, non? Finger on the trigger just to lay down. J'ai mis une lettre dans une bouteille de choses rares que je compte garder pour nos vieux jours, peut-être. So yeah, I had a few drinks. En fait, j'suis sous mort pour tout dire. Mais qui a peur de mourir? Moi, j'ai peur de vieillir. En fait, j'ai peur de mourir de vieillesse. Chaque heure éveillée, j'vais dans le sens inverse pour rester jeune. And love and trust get lost in translation. On fait la guerre, me and my girl. Ouvre-moi ton cœur, mais ferme ta gueule. Insecure, up against the world. Ça aurait pu nous tuer, but I made it work. Et puis fermer l'espoir. Si jamais un jour je m'en sors, j'aurais dû mettre un masque de mort. Tirer le rideau, puis dire bonsoir. Voilà. What up? de Galaxy, la pièce Minotaur à Assemblage Requis. Juste avant, on a entendu Carrie Moellette et Lurley Just avec la pièce Automne. Deux des groupes qui étaient au spectacle de la rentrée. Hashtag rentrée QTR 2015, yo, qui avait eu hier soir sur le campus, bien sûr. Et sérieusement, je me suis surprise à voir que beaucoup de gens connaissaient ces bandes-là. Moi, je connaissais Lurley Just parce que j'ai vécu à Montréal, c'est des gars de Montréal, puis je les ai déjà vus dans un spectacle. Dans la rue. Ben, peut-être pas dans la rue, là, mais dans un spectacle quand même assez underground que moi et une amie, on avait été voir. Mais, mon Dieu, hier, la foule était en délire. Tout le monde connaissait les tunes. Et ce, même pour Mr. Valère, Carrie Moellette. Alors, vraiment, je lève mon chapeau à tous les organisateurs du spectacle, du show de la rentrée hier, parce que c'était réussi. Et c'était la deuxième édition, la deuxième année de ce genre d'événement-là. Donc, à l'année prochaine. Nous, on n'entendra pas un an avant de redépenser de l'argent. En fait, tous les jours de la semaine, c'est ce qu'on a fait. Parce que, Caroline, on n'est plus capable de se retenir. Et donc, voilà. Voici une autre édition de Ça existe, mais ça ne devrait pas. Oh là! Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a à la chronique dans laquelle on achète des gadgets sur Internet. On n'est plus capable d'arrêter. Le budget est illimité. Ah oui, tout à fait. C'est comme ça. Défonce la marge, il n'y en a pas de problème. Donc, commençons avec le fait, que je déteste les maths. Moi, j'aime pas les maths. Moi, Mathieu Plante, je ne suis pas capable de compter. Toi, es-tu bon en maths? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Donc, c'est une horloge qui s'appelle Albert, qui va vous faire un petit peu brasser le cerveau le matin. C'est une horloge numérique qui vous force à faire des mathématiques afin de vous donner l'heure. Moi, mais je trouve c'est terrible. C'est trop le matin. C'est beaucoup c'est trop. Ouais, c'est beaucoup trop demandant, je trouve. Mettre dans une chambre pour enfants, peut-être pour les aider à apprendre en même temps qu'ils se réveillent. Donc, ça vous montre une équation mathématique à la place de l'heure et vous devez la résoudre pour comprendre quelle heure il est. Donc, 18 moins 10 pour les heures, ça fait 8 heures. Hein? 26 plus 4, ça fait quoi? 30, donc il est 8h30. C'est quand même pas super compliqué. Il n'y a pas d'addition et de retenir le 1 en haut, etc. etc. Ben, en fait, pas au début, parce qu'on peut mettre différents niveaux de difficulté. On débute au niveau 1 pour vraiment s'améliorer. Puis après ça, on est parti pour la gloire. Et voilà. Magnifique, ça. C'est la Albert Digital Clock sur Kickstarter, si vous avez l'idée. Vous pouvez leur donner 150$. C'est ça, je regardais. C'est quand même dispendieux faire des maths. Hein? Et c'est américain. Oui, en plus, c'est ça. Il faut payer pour faire des maths. Et voilà. Tu me paierais, puis j'en voudrais pas. Là, tu me perds. Oublie ça. Du moment qu'il faut que je paye pour faire des maths. Ouais. J'aurais pu faire un jeu de mots avec maths. David, que je m'appelle Matt. Et voilà. Mais je ne devrais pas. Maintenant, des aimants qui font que votre réfrigérateur va ressembler à un gigantesque Game Boy. Ah, ça, c'est quelque chose intéressant. C'est pas pire, hein? C'est le Freezer Boy. Donc, des aimants qui vont évidemment améliorer votre réfrigérateur parce que tout ce qui est Game Boy est dans le sens cool, t'sais. Donc, on peut acheter ça pour seulement 20$ sur Amazon. Évidemment, on parle du contour d'écran gris foncé, la petite lumière rouge, un écran vert jaune comme le vieux Game Boy, le plus, le bouton B et A et Start Select. Tout ça, évidemment, doit être placé correctement et pas obligé de le mettre sur un réfrigérateur. C'est ça, je regardais, on peut le mettre sur une laveuse puis une sécheuse. C'est génial, c'est merveilleux pour les geeks de ce monde. Ok, oui! Et bravo pour ceux que ça va réussir à attirer des filles. On sait pas. Ah, ben peut-être. Tu sais, moi, je suis une fille qui joue aux jeux vidéo une fois de temps en temps, mettons. Là. Ça veut pas dire que tu gagnerais des points parce que ton friseur est un Game Boy. Ouais! Ensuite, tiens, on reste dans le domaine des jeux vidéo, des trucs geeky un petit peu, c'est des bugs à glitcher un peu, tu sais, comme des glitchages d'écran ou des glitchages de jeux vidéo quand ça bug un peu. Donc, c'est un musicien et un maker qu'on appelle. Un maker, c'est quelqu'un qui décide de faire des affaires par lui-même, du do-it-yourself, des trucs comme ça. Donc, qui s'appelle Dr. Popular, qui s'est assemblé comme des Transformers avec Beta Brain pour produire une ligne de bugs basée sur des erreurs d'ordinateur. Donc, les glitch socks, c'est des bugs avec des glitches, des bugs, un peu comme dans Pac-Man, le célèbre écran, le dernier tableau de Pac-Man. Il y avait des chiffres qui montaient du bas de l'écran. Donc, on a fait des bugs avec exactement ça. Et le classique, l'écran de la mort sur Windows, l'écran bleu. Oui, oh mon Dieu. Avec du texte blanc qui fait peur à tout le monde. Combien de fois est-ce qu'elle nous a apeuré cet écran-là? Hein? Du matériel à cauchemar, je dirais. Il y en a plein d'autres. Beta Brand qui fait un sondage sur son site web pour savoir quel design de Dr. Popular devrait être changé en vrai bas. Vous pouvez voter pour votre père préféré en visitant assemblagerequis.com. Ensuite, c'est le Touch Jet Wave qui change n'importe quelle télé haute définition, Tania, en écran tactile. Ah ouais? Là, t'es incroyablement... comment dire? Surprise et tu ne crois pas tes oreilles? Et voilà. Qu'est-ce que c'est tout ça? Donc, c'est Touch Jet Pond, le nom du projet, un projecteur Android qui changeait des murs en écran tactile qu'on a diffusé il y a quelques mois. Et là, c'était vraiment cool. Par contre, c'était pas très abordable. Donc, la même compagnie, TouchJet, produit maintenant le Wave qui élimine le problème d'être dispendieux, d'être sur une espèce de gros mur. À la place, c'est sur votre télé qui est beaucoup plus simple. Donc, le Wave, un appareil Android sur un petit bâton. OK? Un petit bâton comme une clé USB. Et à la place d'être caché à l'arrière de l'écran, ça va être sur l'écran. Par-dessus, avec un petit peu comme une lampe de lecture, une lampe de chevet pour lire dans le livre. Je trouvais que ça ressemblait à ça, justement. C'est ça. Donc, il y a un sensor infrarouge qui détecte jusqu'à 4 points tactiles. Donc, tu pourrais y aller vraiment avec 4 mains, mettons. OK. Si tu avais ça. Et ça, donc, ça devient un écran tactile. Le Wave Sensor fonctionne avec des affichages des télés de 20 à 80 pouces. Donc, même si vous avez une télé énorme, qui a une télé 80 pouces de nos jours, c'est tellement cher. Ils vont tellement bien s'entendre avec, tu sais, tout ce qui est télévision Apple TV, là. Ouais. Ça moi, ça me surprendrait pas de voir dans pas long Apple acheter ça. Un rachat. J'avoue, c'est pas de mauvaise idée du tout, ça. Donc, TouchJet Wave, qui vient aussi avec un stylet, pour ceux qui veulent pas se servir de leurs doigts, et un câble HDMI pour brancher, j'imagine, tout ça dans votre télé. Voilà. On se demande environ 99$ américains sur Indiegogo pour avoir le Wave comme récompense. C'est pas si pire. Moi, ça me va, ça, ce prix-là. J'en achèterais deux. Ah ouais, déjà, deux, bing, bang. Des fois qu'il y en aurait qui brisaient. Des fois, ouais, t'as raison. Ensuite, c'est un appareil de transportation. Peut-être avez-vous vu passer ça sur les réseaux sociaux, mais je n'en avais pas encore parlé et je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Donc, le Walk Car, un appareil de transportation électrique personnel de transport, mettons qu'on pourrait dire, qui ressemble un petit peu, je dirais, presque à une balance ou à peut-être un portable ou quelque chose comme ça. Ou encore l'espèce de skateboard dans Back to the Future, mais rétréci. Ouais, un hoverboard, mais avec des roues dans avec ce cas-ci. Finalement, ça ressemble pas pantoute. Ben, un peu, mais pas mal plus récent, mettons, comme mode. Ouais, c'est ben comme c'est plus ça. Visuellement, d'après moi, l'idée vient quand même de Back to the Future. Oh, ça, c'est quasiment certain. Donc, c'est le Walk Car, un appareil de transport donc électrique personnel qui peut supporter jusqu'à 265 livres, peut voyager jusqu'à 7,2 000. J'ai pas encore mis ma petite extension de traduction de 1000 en kilomètres sur cet ordi-là. Ah, de face. Ouais. Attends un peu, je veux vous le trouver. En kilomètres, ça vous donne 11,5 km sur une seule charge à des vitesses de 6,2 000 à l'heure. 6,2. Ouais, c'est long, là. En kilomètres. 9,9, donc 10 km. Hein? Est-ce que j'aurais dû te le demander? Est-ce que tu aurais su ça tout de même, la formule? J'aurais pas pu dire la formule bing-bang comme ça. Moi, semblait aussi. De toute façon, en télévision, on demande pas à Rose. Ben, c'est ça. Et même tous les sports, même le baseball, c'est des 1000 à l'heure. Il y a personne qui sait vraiment. Bref, c'est ça. Coco Motors, la compagnie derrière l'appareil, devrait lancer un Kickstarter au mois d'octobre. Les Walk Cars vont coûter environ 800$. Ça va être shippé au printemps 2016. Voilà, donc c'est Walk Car. Allez voir la petite vidéo de démonstration. Intéressant. C'est vraiment de la grandeur exactement de tes pieds. Il n'y a pas grand lousse là-dedans. Au moins, c'est ça que j'aimerais dire. Penses-tu que lui, il fait du 11 de souliers, mettons? Ah, j'avoue que c'est des grands pieds. Si t'as des grands pieds, tu dépasses. Est-ce que c'est comme un segway, t'avances, puis tu sais, c'est... Ben, en fait, j'ai baissé mon fond à la place parce que je voulais vous faire écouter la vidéo. Pour, attends, on va passer ici. Pour voir de quoi ça a l'air. Attention. Oh, wow! C'est l'émission de Disney? Non! Non, mais ça ressemble. D'après moi, le gars a pas des si grands pieds que ça sur la photo. T'sais, vous voyez pas présentement, vous, parce que vous êtes à la radio, mais on vous répète que tous les liens sont sur assemblagerequis.com. Alors, si jamais vous voulez voir de quoi qu'on parle, c'est très simple. Tous les liens pour les sites Internet des bébelles, appelons-les comme ça, les bébelles que l'on vous présente présentement, hier et avant-hier, eh bien, ils sont tous retrouvables sur le site d'assemblagerequis. Exactement. Et le gars, on le voit qu'il avance sans avoir rien à faire. Il contrôle juste le poids de son corps par l'avant. Pour avancer, c'est pareil comme un segway, mais sans les poignets. Donc, Walk Car, hey, c'est vraiment Disney, comme petite chanson, ça, bravo, c'est super cool. Donc, on était dans 5 semaines, ça ne devrait pas, on l'a, ici. Et maintenant, on parle de Lorcam. pour ceux qui ont des problèmes de vision, ça les aide à reconnaître les visages. C'est quand même assez très gros, hein, comme... Comme le petit truc qui s'attache à tes comme lunettes. Comme aide aux lunettes, mettons. Ouais, exactement. T'as l'air de porter des Google Glass il y a quelques années. Mais je me demande si c'est lourd. Oh, je sais pas si ça dit le poids. Donc, OurCam, c'est une caméra qui s'accroche sur vos lunettes que vous avez déjà et ça reconnaît le texte, les visages et les objets. Donc, OurCam peut lire du texte qui n'est pas en lettres attachées. Je pense que ça, c'est assez évident. Identifier des objets et des visages pour la personne par un haut-parleur à bone conduction. C'est comme les écouteurs que t'as, qui passent par les os. Oui. Pour te faire entendre ta musique. C'est la même chose, mais ça te dit des choses. Ben c'est ça, parce que je lisais et c'est quand même c'est bon pour les gens qui sont aveugles ou en manque de vision. En manque de vision, c'est ça. Fait que tu portes des lunettes qui n'ont pas nécessairement de force. Exact. Et tu as ton gadget sur le côté qui va dans tes os de ta tête te dire à quelle personne tu parles ou te lire un texte que t'as devant toi. As-tu regardé combien ça se vend? C'est 3 500 $ américains. Ouais, présentement seulement disponible aux États-Unis et seulement en anglais. La compagnie travaille sur d'autres langages plus tard. On va voir ce que ça donne. Mais quand même, du moment que, tu sais, mettons, t'es né, t'es aveugle, tu vois pas depuis que t'es très jeune, 3 500, c'est-tu vraiment dispendieux pour savoir? Je pense que dans le domaine médical, c'est cher, plus que ça probablement. On peut emmagasiner, donc mettre des images, des objets ou des visages et associer des noms à ça. Donc quand le gadget va plus tard revoir la personne, il va se rappeler et te dire son nom dans ton bone conduction. Il y a un petit reportage de CNN sur l'article si ça vous intéresse. L'appareil est loin d'être parfait. Ça fonctionne de façon inconsistante dans des environnements où il y a beaucoup de luminosité. Bref, il y a plein d'autres détails comme ça. Et c'est dans un gros container, un gros truc qui part sur le bord de tes lunettes avec un fil. C'est ça que je me dis qui est vraiment moins... tu sais, à l'ère de tout ce qui est sans fil, USB, puis tout ça... Ils te mettent une grosse patente avec un fil sur tes lunettes. Et c'est non seulement une patente avec un fil sur tes lunettes, mais le fil va vers un pack. Oui, en plus. Il va après tes pantalons. Tes pantalons. Genre. Bref, c'est quand même complexe, mais on est témoin du début d'une technologie, Tania. Donc, à un moment donné, il faut leur laisser le temps de faire ça. C'est ça, exactement. Hein? Ouais. Laissons-les... Laissons-les travailler. Voilà. Tu te rappelles, dans une précédente chronique de Ça existe, on a parlé d'un hamac qui était aussi un spa et non pas un sauna. Et voilà. On a appris aussi la difficulté que j'avais avec le mot. On trouvait ça très ingénieux comme découverte. On voulait s'en acheter un, oui. Chacun de notre bord. Mais la prochaine. On a mettre ça dans le studio, là, on a de la place. Pourquoi porter maintenant des pantalons normaux quand tu peux porter des pantalons qui sont aussi des balançoires, toi? Ouais. Donc, t'as un hamac qui est aussi un spa et des pantalons qui sont aussi une balançoire. C'est cool quand même. C'est le Weed Angle, une paire de pantalons avec une balançoire, intégrée, créée par un utilisateur sur Instructables, Berto Awesomes. Donc, quand je dis que c'est un Instructable, c'est que tu peux pas l'acheter, il faut que tu le fabriques toi-même en cherchant les instructions sur le site. Tu comprends? Ah, t'es-tu sérieux? Ouais. Donc, c'est un petit didacticiel, ce que les Québécois appellent à tort un tutoriel, pour faire votre propre pantalon balançoire. Et puis, ça remet le plaisir dans le fait de porter des pantalons, parce qu'on s'entend que si c'était juste de nous, peut-être qu'on porterait pas nécessairement de pantalons. Est-ce que ça dit le poids que ça peut comporter? Non, malheureusement. Ça peut tenir? Non, pas sur la page ici. On peut peut-être aller voir ailleurs. Trouver ça. Weed Angle. Si t'es accroché à un arbre, puis que t'as les bons hameçons, disons. Hameçons. Ça pourrait être un petit peu déplaisant. Ouais, non, peut-être pas hameçons, mais tu sais, ces choses-là, quand on fait de l'escalade. Oui, des mousquetons. Voilà. Alors, si on a les mousquetons adéquats, j'imagine que quand même, ça peut résister pour beaucoup. Je suis rendu sur la page avec les détails. Plus rien de détails. On départ, là, matin. Il y a trois positions. Balançoire, armchair, genre, okay. Et chaise longue. C'est différentes positions pour se placer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Installation rapide en 3 minutes. Ajustement facile de la hauteur du siège. Le poids des lignes, des bandes d'aluminium et des mousquetons 1 kg sans le tissu. Seat support. Ça dit pas, je pense, le poids. Ça parle de 22 cm d'aluminium. Ouais, non, ça parle pas du poids. Non, j'aurais pensé que d'ici à la dernière ligne, il y aurait le poids que ça supportait, mais non. Dernier, tiens. Celui-là, je le trouve vraiment intéressant. Je vais terminer là-dessus, ça va être cool. C'est un T-shirt qui est rempli de thé. Ouh! Tania. Pour tous ces fanatiques de thé. Exactement, donc le thé. Tania. Ouais, Tania, ça va bien. Hein? Board and Breakfast. C'est, ouais, c'est ça. Bon, j'ai le mot et mon nom. Je vole des punchs d'une pub qui n'a pas encore été produite et qui n'est pas encore en nom. Donc, le t-shirt qui est fait par l'artiste Meryl Smith. On dirait une actrice à Hollywood, ouais, hein? Meryl Smith. C'est un t-shirt avec le grand sac de thé qui sert comme panneau à l'avant et à l'arrière du chandail. Donc, c'est ça pour ceux qui ont toujours rêvé de prendre un bain très, très chaud et j'imagine pouvoir boire après ça le pipi de quelqu'un mélangé avec du thé. Ouais. C'est vrai. Tu fais pipi dans le bain, toi? Ben non. OK. Ben non. Phew. Jamais, je prends pas de bain. Les mains sont trop petits pour moi. Ah, voilà. Sous les détails. Donc voilà, c'est ça. Pour ça existe, ça ne devrait pas. Là, je pourrais continuer pendant 3 heures. C'est ce qu'on fera dans les prochaines semaines. Tu sais, si on se garde et qu'on fait du gadget à tous les jours pendant un bout de temps, puis après ça, on changera de domaine, tu sais. Ben, faut pas qu'il mouille, hein? Faut qu'il... Ben, moi, non. Peut-être si ton chien te suit pour licher... Hey, t'imagines-tu le nombre de bibittes qui te suit? Ah, yark. Yark. Faut pas penser à ça. À matin, je m'en venais, puis sur le trottoir, là... Ouais. En m'en venant vers l'université, j'ai vu une grosse araignée. Oui, mais ils vivent dans le même monde que nous. Mais matériel à cauchemar. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surutilisé cette semaine de ma part. voilà, donc les liens sont sur assemblagerequis.com pour ça existe et ça ne devrait pas. Là, habituellement, on fait ça les mercredis. Donc, pour le savoir, là, dorénavant, peut-être, si je peux me contenir une fois de temps en temps, ce sera le mercredi. On prend une pause et au retour, c'est le spot à Tania, ou peu importe le nom de la chronique, on lui trouvera un nom juste après la pause. On cherche encore. C'est fou pour l'écouter. 89.1. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 10 septembre 2015. Il est Tania Boudin. Hein? Eh bien, oui. Et moi, c'est Mathieu Plante. Plus tard à l'émission, on a Gabriel Béhoud qui va être là à 9h pour nous parler d'improvisation. Il y a un match spécial de la Luître lundi prochain. Et étant donné que sa chronique est le mardi, on s'est dit que pour vous inviter à ce gros match, le premier de la saison, qui vous donne une envie de revenir à l'impro, ben, il faudrait pas en parler avant. Ah. C'est pas moi qui va faire ça. C'est logique, hein? C'est sa job. Hein? Voilà. Moi, je l'accueille à 9h, tout à l'heure. aussi, dans quelques instants, ça va être la chronique de Tania. On n'y a pas encore trouvé de nom. Non. Et en fait, hier, on vous disait que si jamais vous avez des idées farfelues, des idées originales, vous pouvez toujours nous les faire parvenir sur les réseaux sociaux, soit sur ma page Facebook Tania Baudin ou encore la page Facebook d'Assemblage Requis. On arrête de te plugger toi-même, plug l'émission. Ouais, c'est ça. Alors, déjà en partant, allez aimer la page d'Assemblage Requis et comme ça, vous allez pouvoir voir tout ce qu'on met, en fait, les liens des gadgets qu'on vous a présentés un petit peu plus tôt, les liens des chroniques des gars qui étaient là hier. Et si jamais vous avez des idées pour nous, c'est là que vous pouvez tout mettre ça. Et voilà, page Facebook, c'est ça, oui. Assemblage Requis, et puis le site de l'émission, assemblagerequis.com. Donc, Tania, dans quelques instants, mais avant ça, Fist City, nouvel album qui s'appelle Everything is a Mess, c'est sur le palmarès anglophone en nouvelle entrée. Voici Her Little Sister. You Sister sur l'album Everything is a Mess. Vous êtes à Assemblage Requis et tous les jours, mettons. Sophia. On a une petite chronique de la part de Tania qui nous parle d'un sujet qui lui tient à cœur, qui, tu sais, elle a les émotions sur la fleur de la peau, de la manche, de la... C'est en cuir, ce que tu parles? Les manches, oui. Okay. Et voilà. C'est puis la petite pochette, là, ici. Donc, Tania, il faut qu'on trouve un nom à ta chronique. Okay? Oui, il faut qu'on trouve un nom à ma chronique. Mais en fait, la problématique de cette fameuse chronique-là, c'est que ça ressemble beaucoup à tes coups de cœur. Tu sais, oui. Je parle de mes coups de cœur. Alors, si jamais vous avez une autre idée que les coups de cœur à Mathieu, là, ouais. ça serait bien. Puis, tu sais, je dis tout le temps quand j'essaie de trouver un titre, parce que moi, je suis très, très bon pour trouver des titres. Oui. C'est moi qui trouve tous les titres. Mais ton nom est un petit peu difficile. Côté jeu de mots ou altération, il n'y a pas grand-chose. Fait que j'ai comme pas grandes idées. Quoique pour la pub d'hier, t'étais en feu. Oui. Vous allez entendre la pub d'ici quelques heures, peut-être. Ça sent bien. Mais elle est en production. Il y a des gags dedans qui sont tellement subtils que même Tania ne l'a pas compris avant comme ça. Vraiment. Après l'enregistrement, là, elle a fait le jeu de mots dans la pub et elle ne comprenait pas, mais elle a fait semblant. Après ça, elle a dit ah, j'ai compris. Mais c'est parce que je disais mon nom comme il faut. C'est ça. Et voilà, c'est pour ça que je comprenais pas le jeu de mots. Le jeu de mots, c'est Bold and Breakfast. Bold and Breakfast. Bold and Breakfast. Le pire, c'est qu'en anglais, tout le monde appelle Baudin, comme ça, Baudin. Ah, je sais pas, c'est comme Matthew Modine. Hein? Wow, qui était worldwide. Et voilà. Donc, mes seules idées, ok, tu me diras ce que t'en penses, puis tu sais, rien qui t'engage okay, à rien. Ok, vas-y. Mais moi, j'aimais bien, vu que tu m'as englobé plusieurs sujets. Oui. Ça peut être vraiment n'importe quoi, tu sais. Comme... c'est vraiment du n'importe quoi. Tu sais, c'est comme un genre de top Tania. T'sais. Ouais. Un top Tania. Top Tania. Comme ouais. un top Tania. Mais top Tania, tu sais. Ok. J'avais ça. Puis là, ben sinon, l'autre, c'est Tania's Gonna Entertain You. Ah, ouais, pas pire celle-là. Pas pire celle-là, mais ça pourrait porter à confusion. Les votes sur Assemblage Requis sur Facebook. Ouais, voilà. Ouais, voilà. La page Facebook d'Assemblage Requis. Faites-nous vos propositions du nom de ma chronique, autre que celle de Mathieu. C'est sûrement mieux, vos idées, sûrement mieux que ça. Et voilà. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Tania? Et en fait, aujourd'hui, hier, c'est la chronique que j'étais censée présenter hier, mais on a eu tellement des chroniqueurs enjoués qui étaient intéressants à écouter qu'on a passé tout droit. Enfin, on n'a pas eu le temps de la faire, ma chronique. Alors aujourd'hui, je vous parle de certaines personnes qui inspirent, qui sont inspirantes, en fait. Il y en a que j'ai connues il n'y a pas très longtemps, et il y en a que j'ai connues, je ne les connais pas personnellement, mettons, là, mais... Gandhi, t'es ami de Gandhi. Ouais, c'est ça. Mais il y en a que j'ai eu la chance de découvrir il y a quelques années, mais qui font encore beaucoup jaser, surtout à la popularité qu'ils ont gagnée au fil des ans. Okay. Hier, on parlait d'Internet avec Google Globe, et non Globe. Et non Globe. Tu parles en français, par exemple. Et voilà. Alors, Google Globe, je l'ai dit semi en anglais, semi en français ce matin, là, mais... Limite. Internet, ça fait beaucoup bouger les choses, surtout ces temps-ci. On dit qu'il y a comme une folie de devenir son propre boss sur Internet présentement. Tu sais, tous ces chers YouTubers qu'on appelle en anglais. Les travailleurs autonomes. Excellent. C'est ça. Voilà, ouais. Des gens qui travaillent pour YouTube, qui postent des vidéos quasiment chaque jour et qui deviennent des vedettes presque d'Internet. Eh bien là, je vais me concentrer sur deux gars qui ont commencé en 2012, c'est-à-dire le site et la page YouTube s'appelle Jack's Gap et je vais vous expliquer la venue du nom Jack's Gap. En fait, c'est deux jumeaux, Finn et Jack Harris, des Anglais d'Angleterre, qui ont décidé, après leur secondaire, de prendre un gap entre le secondaire et l'université. Une sabbatique. Et voilà, une sabbatique. Et ils ont décidé d'appeler ça Jack's Gap parce qu'il y allait documenter tout ce qu'elle allait faire pendant cette chère année de sabbatique-là. L'alternative aurait été Black Sabbatique. Ça aurait été beau aussi. On devrait les contacter pour changer le nom. Alors, tout ça a commencé en 2012 sur YouTube. Les deux gars étaient très prêts. Présentement, c'est beaucoup plus Jack qui en fait la promotion quasiment parce que Finn est retourné à l'école. Mais Jack continue à faire beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube. Mais ils ont aussi un site Internet qui prend beaucoup d'ampleur qui est jacksgap.com. Alors, si jamais vous voulez aller faire un tour sur jacksgap.com, vous allez tout comprendre ce que j'ai vous expliquer dans quelques instants. Alors, comme je l'ai dit, en 2012, ils ont décidé de documenter leur année sabbatique et de voir ce qui allait pouvoir en découler par la suite. Donc, on a commencé par voir des vidéos qui étaient faites dans leur chambre, tout simplement, chez leurs parents. Comme n'importe quel YouTuber, vous savez, là, la plupart de nous, on passe tout notre temps sur YouTube. Avec des jump cuts là, en chaque phrase, là, ça c'est saute. C'est ça, et voilà. T'sais. Donc, ils ont commencé en faisant des vidéos pour se faire connaître. Par la suite, ils avaient une idée commune qui était de voyager pendant cette année-là. Donc, ils ont commencé à documenter tout ce qui était leur voyage. Évidemment, j'imagine que ces gars-là sont pas nés dans une famille très, très pauvre. Sûrement pas. Dû avoir les voyages qu'ils ont fait durant leur année sabbatique, mais ils ont eu la chance de pouvoir faire ça. Et c'est ce qui les a mis vraiment sur la map pour ce qui est venu par la suite. On est en 2015. Les gars, présentement, sont payés à faire des voyages. Oh! OK? C'est vraiment... En fait, je pourrais pas croire qu'il pourrait y avoir un meilleur job que ça. Jack est filmmaker, donc il a étudié en cinéma. Cinéma, ouais, disons-le comme ça. Et Finn, qui lui est designer. Donc, Finn s'occupe de tout ce qui est site internet. Et Jack, lui, produit vraiment tout ce qui est idées, tout ce qui est vidéo sur la page YouTube. Mais là, je dois vous dire, récemment, moi, j'ai vu les vidéos et ça m'a jeté par terre. Ils se sont fait appeler par les chaînes Marriott, les chaînes d'hôtels. Skype, Google, pour qu'ils puissent faire des vidéos en collaboration avec eux. Ah oui, hein? Et voilà. Mais donc, ça, c'est populaire sur YouTube, du branding, ben de l'intégration oui. de produits. Hey, donc, mon Dieu, hein? Mm-hmm. C'est pas la meilleure façon de faire parler de nous, ce oui. YouTube de ces jours. Alors, Marriott, en fait, ont donné un espèce de défi à Finn et à Jack. Finn, étant de retour à l'université, n'a pas pu prendre part au projet comme Jack l'a fait, mais il s'est entouré vraiment d'une équipe. Et je dois vous dire, présentement, l'équipe est rendue très grosse. Là, on compte jusqu'à 20 personnes qui travaillent pour Jack's Gap okay. dans parce des bureaux. Sur, là. Sur leur site, il y a des photos d'eux avec des gens. Oui, c'est qu'il ça. Y en a que c'est dans leur gang. C'est l'équipe, ça. C'est l'équipe. Oh, c'est l'équipe. Oui. Donc, Jack's Gap qui a commencé dans une chambre chez ses parents a maintenant un bureau dans le centre-ville de Londres. Okay? Donc, ils se sont fait appeler par le Marriott et ils ont dit, en fait, on vous lance le projet de faire 3 vidéos différentes 24 heures dans une ville. Oh, c'est bien. Donc, on vous envoie à 3 places différentes. Évidemment, vous couchez dans des Marriott. Ben oui. Et en fait, vous en faites un documentaire. Et c'est ce qu'ils nous proposent sur leur page YouTube. Ce sont toujours des choses comme ça. Mais par la suite, avec tout l'argent qu'ils ont ramassé, qu'ils ramassent et dont ils font parler, ils sont très, très, très impliqués vers, comment je pourrais dire... Les causes. Oui, ouais. Les œuvres, pas les œuvres de charité, j'aime pas dire ça, des œuvres... Bienfaisance. Des fondations. Ouais. Ils sont allés... vraiment à plusieurs places pour pouvoir redonner par la suite. Et c'est ce que je trouve inspirant. Ces gars-là ont commencé tout simplement pour se dire « OK, on prend une année soft, on fait rien, on retourne pas à l'école tout de suite. » Au contraire. Et aujourd'hui, c'est leur job et ils redonnent à des organismes. Et récemment, ils ont fait une vidéo qui dit justement pourquoi ils redonnent à des organismes. Et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir voir à quel point tu peux partir d'une chambre chez tes parents et de finir dans le centre-ville de Londres à faire ça de ta vie. Non seulement que ce soit pour des voyages ou que ce soit pour n'importe quoi d'autre. Jack et Finn Harris, je crois, en 2015, sont une inspiration pour beaucoup de jeunes à travers le monde. Et ils ont aussi, je le disais tout à l'heure, ils sont affiliés avec Skype. Ils ont aussi fait une manche de documentaire. En fait, c'est 5 mini-documentaires qui expliquent comment Skype est important dans les vies de certaines personnes au travers du monde. Ouais. Donc, ils ont voyagé au Canada, ils ont voyagé en Europe, ils ont voyagé aux États-Unis. Tout ça pour voir à quel point Skype est important pour certaines personnes dans leur vie et en quoi ça les amenait dans leur métier. Donc, exemple, ici au Canada, si je me souviens bien, c'est une violoniste qui donne des cours de violon sur Skype. Wow. Donc, ils ont quand même... Tu vois, c'est tout ce petit côté-là de découverte qui nous amène à dire « Mon Dieu, ces gars-là sont vraiment intéressants et ils sont pas juste beaux. » Ils ont de quoi parce qu'ils le sont oui, aussi. Oui, évidemment, là, ça serait tellement plus plate s'ils étaient pas très beaux. Est-ce qu'ils sont venus au Québec? Ils sont, si je me souviens bien, ils sont venus au Québec qu'une seule fois. Okay. Est-ce que c'était en Jax Gapézi. Gapézi. Non, j'attendais, si je me souviens, c'était une conférence sur ce qui est Internet, okay, puis tout ça. Sinon, c'était à Toronto, mais je suis pas certaine qu'ils sont venus au Québec même. Mais les YouTubers ont vraiment une mauvaise réputation chez certains. Disons qu'ils se font pas tant respecter par moment. Mais donc, c'est comme une relation amour-haine, ouais, hein, tout ce qui est c'est mon travail sur Internet. Mais c'est vrai qu'ils travaillent plus que d'autres. On s'entend qu'il y en a qui ont plus de mérite que d'autres. Il y en a qui ont plus de mérite que d'autres. Évidemment, c'est eux qui se font donner le mérite parce qu'ils sont devant la caméra. Donc, du moment qu'ils font quelque chose, c'est eux qu'on voit. Mais c'est vraiment, ces deux gars-là se donnent la mission de reconnaître les gens qui sont derrière eux. Donc, évidemment, quand ils partent, ils sont pas juste deux à partir en Nouvelle-Zélande pour aller faire un vidéo de à peu près une demi-heure sur le Marriott là-bas. Là. Ils sont quand même une bonne équipe. Les gars, ils recherchent justement des gars qui sont passionnés, une équipe qui travaille fort. Et c'est comme je dis, c'est la mission qui se donne de reconnaître ces gens-là qui sont derrière. Donc, parfois, dans les vidéos, on va les voir tout simplement. Ça, c'est mon caméraman. Ça, c'est mon assistant réalisateur. Tu sais, ils les laissent pas derrière parce qu'ils ont commencé tout seuls, mais ils sont rendus tellement gros aujourd'hui. Star from the bottom, now we're here. Voilà, hey, merci Drake. Donc, jaxgap.com, pour ceux qui veulent lire le site Internet, et la page YouTube, c'est le même nom, c'est JaxGap. Et je vous invite vraiment à aller regarder leur vidéo parce que c'est très intéressant. Cool! Oui! Super, et ça fait changement des autres YouTubers, tu sais. Mettons, mais ceux c'est qui jouent à des jeux vidéo, mettons. Ouais. Mais tu vois, ça, j'ai jamais vraiment regardé les gars qui jouent à des jeux vidéo, mais évidemment, j'ai regardé des vidéos de maquillage à plusieurs reprises sur YouTube. C'est ça, ou des gens qui déballent des Barbie, t'sais. Oui, oui. Mais c'est justement pourquoi je voulais vous présenter ces deux gars-là, contrairement à, mettons, j'aurais pu vous présenter Tyler Oakley, dont tout le monde parle, qui est un YouTuber américain, qui fait tant parler de lui parce qu'il était à Ellen DeGeneres. Ouais. Il est très bon dans ce qu'il fait. Par contre, il changera pas le monde demain matin, mais Jax Gap, peut-être. Il y a un petit Justin Bieber. Ouais, qui aussi, était, sur YouTube. Mais lui, c'est... T'as entendu parler de lui? Je sais pas si c'est passé quelque chose avec lui, finalement. Il est canadien, lui. Je pense qu'il est canadien. On va l'écouter un petit peu de Marie-Pierre, Arthur. Oui! Tu nous as sélectionné une pièce sur le CD de Marie-Pierre Arthur qui s'appelle Si l'aurore, voici 10 mois. Assemblage requis. Ce sera le fin fait. Tu me trouveras à côté des cieux. et Pierre-Arthur, la pièce « Dis-moi ». Tu vois que c'est comme réveillé au milieu de la chanson. Ben oui, hein? À commencer fatigué. Je connaissais pas ça, puis j'ai pris une chanson sur le fly tantôt. T'as pris une chanson. C'est comme prendre une chance, mais prendre une chanson, on dirait une émission genre à Rouge FM. Oh, prends une chanson. C'est si beau. D'amour. Sur ce, on est à l'assemblage requis. On est jeudi matin. Et puis, on était dans la chronique de Tania, Baudin, qui n'a pas encore de nom. Fait qu'on va appeler ça Sors de ta tanière. Ah, voilà. Comme je vous le disais avant la pause musicale, Mathieu, il m'enlève les mots de la bouche ce matin avec tous ses jeux de mots. Une n'attend pas d'autre. Franchement, pathétique. Et voilà. Alors, je vous parlais de gens inspirants. Avant la pause musicale, je vous parlais de Jack et Finn Harris, jackscap.com. Mais là, c'est le temps de parler d'une Québécoise, d'une trifluvienne. Tania Baudin, point TV. Non, je suis pas tant inspirante que ça. Okay. Mais en fait, je vous parle de Joëlle Desaunier, que j'ai eu la chance de rencontrer dans les dernières semaines, qui est une styliste trifluvienne. Elle a manqué sa chance en n'étant pas une designer. Non, mais attends, j'ai pas terminé. Elle est styliste, mais elle a une équipe hors pair autour d'elle. Et ce soir, c'est le lancement officiel de la collection Joëlle Desaunier. Ah. Et j'aurai la chance d'animer le merveilleux défilé. Donc, il y a une portion auto-promo, finalement. C'est ça. Écoute, elle était cachée, mais elle était là. Ça bénéfique, quelque part. Alors, mais je voulais vous parler de Joëlle Desaunier du côté inspirant, parce que je l'ai rencontrée, je la connaissais pas avant. Et franchement, cette fille-là, elle regorge d'énergie de A à Z. Elle est remplie d'amour pour les femmes, elle est remplie d'amour pour l'être humain en question. Et elle a égayé mes journées à chaque fois que je l'ai rencontrée. Alors, de ce côté-là, merci beaucoup, Joëlle. Et elle nous expliquait, en fait, à toutes les équipe qui va travailler ce soir pour le lancement, à quel point la collection qu'elle va lancer ce soir était au début une relation amour-haine avec tout ce qui est mode, tout ce qui est beauté, tout ce qui est, comment pourrais-je dire, ces fameux standards qu'on lance aux femmes. Oui, dans les magazines. Oui, voilà, dans les magazines, sur les internets. Sur YouTube, comme diraient mes grands-parents, sur les internets. Ouais. Et en fait, c'est vraiment de ce côté-là que je la trouve inspirante. Elle a réussi à passer au travers de tout ça avec sa famille, avec ses amis. Et c'est comme ça qu'elle a décidé tout simplement de rendre la femme belle à chaque jour. Et elle m'expliquait pourquoi est-ce qu'une fille ne peut pas se sentir belle à tous les jours, malgré les standards qui existent partout. Et c'est là que je me suis dit, oh mon Dieu, mais cette fille-là a genre une idée exceptionnelle. Et c'est comme ça que j'ai eu un coup de cœur franchement personnel et pourrais-je dire business à faire pour Joëlle Desaunier. Et j'ai très hâte ce soir de vous accueillir au complexe La Violette pour le lancement de la collection Joëlle Desaunier, et de toute son équipe. Alors, tu disais qu'elle n'est pas designer. Par contre, elle a une designer vraiment hors pair avec elle. Et ce soir, vous aurez la chance de faire la rencontre avec toutes ces gentes dames. Et si jamais vous voulez vous procurer encore des billets, bien, c'est possible de le faire sur le Joëlle, 2LE, Desaunier avec un S. Com. Fais pas mon erreur. Ouais, c'est ça, parce que... C'est un motivateur, je sais pas quoi, l'autre... C'était pas le même site tantôt que Mathieu a trouvé. Alors, Joëlle, au féminin, bien évidemment, Desaunier avec un S.com, si jamais vous voulez vous procurer un billet. Et si jamais vous voulez voir, en fait, le portfolio, le blog, toute l'équipe, l'équipe est sur le site Internet. Je vous parlais de la designer et on se rend sur la page immédiatement, qui est Katia Brascou. Et j'ai eu la chance de la rencontrer. Elle aussi est très inspirante. J'ai su, v'là pas long, que c'est une fille de compétition mondiale en wake surf. Elle est genre championne de wake depuis 2013. Moi, ça m'a impressionnée. J'étais là, quoi? T'es sérieuse? C'est vraiment... Ces filles-là sont bourrées d'inspiration et sont bourrées de talent. Et vous allez voir ce soir, elles nous donnent la chance de voir tout ça, tout leur travail depuis des mois sur une passerelle. Ça va être une très belle soirée. Et c'est des femmes comme ça, en fait, que ça nous prend plus au Québec, que ça nous prend plus dans la vie, point de décider que t'as le droit d'être belle, peu importe comment tu te sens. Moi, je trouve ça très inspirant. Wow! Tu nous rappelles l'endroit pour ce soir? Bien oui, c'est au complexe La Violette. Et je vous répète que si vous voulez des billets, c'est disponible sur le Joëlle 2LE desaunierss.com. Sinon, si je me souviens bien, il y en aura peut-être encore à la porte, mais je veux pas vous dire oui quand que la 3 jours. jours, mettons, on était presque à capacité maximale. Ouais. Alors, voilà. Les chansons. Allez sur le site Internet et vous allez avoir tous les détails. Merveilleux. Les liens sont sur assemblagerequipe.com de ce dont tu as parlé tantôt. Tu peux les mettre sur Facebook, ça tente, etc. Hey, je t'ai même pas mis en tant qu'administratrice. Ah, c'est correct, c'est correct. Mais sinon, on fait la chronique de Tania Baudin tous les jours ici à Assemblage Requis. Soyez-y. Et voilà. Le spot à Tania. Le spot à Tania. La Mésopotamie. Ah, voilà. Mésopotamie. Oui, tout parle à fait. Par le petit désordre, les jours. Voilà. Donc, toujours à Assemblage Requis. Tout à l'heure, dans quelques instants, en fait, ça va être notre chronique. Une grosse pointe à l'adresse, mais avant ça, j'ai choisi une pièce de Bears of Legend sur le palmarès anglophone. C'est en position numéro 17. Ça a descendu un petit peu, mais ça a fait 7 palmarès que c'est là. Et quand on parle de 7 palmarès, cet été, il n'y en a pas eu même. Ouais. C'est daté du mois de mars, ce soir-là. Donc, voici Bears of Legend et Beside Me au 89.1 FM. You are a friend. The very first to know me as a man. The very last to kiss me in the end. But I am hard, I know, to comprehend. 'Cause I'm not a saint. I caught the devil in my selfish hand. I know you're seeking for a better man. Like a treasure hiding in the sand. Beside Me par Bears of Legend. On savait que c'est un groupe mauricien. Ils viennent finalement de Trois-Rivières en tant que tel, TR City, et non pas de Shawinigan. C'est très bon. Hein? C'est la première fois que j'entendais Bears of Legend et j'ai beaucoup apprécié. Alors, je vais fouiller encore plus. T'as appelé ça un Mumford & Sons trifluvien. Je pense que c'est une bonne comparaison et c'est positif tout ça. Oui, tout à fait. Au retour, une grosse pointe à l'adresse à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Toujours à Assemblage Requis, on se jeudi matin avec Tania Baudin.

Ouais, il y a plein de photos. Le dessert, c'était des bleuets mélangés avec des fraises et des biscuits Oreo dans du yogourt, je crois. Il y avait aussi du café qui était servi. Le restaurant M était ouvert le 27 juillet au Roppongi Hills, au McDonald's de Roppongi Hills. Ils ont servi 10 groupes de 20 clients sélectionnés via le site web japonais de McDonald's. Est-ce que t'as vu comment ils ont servi leur McFlurry? Non, non. C'est comme dans une coupe semi en cristal. Oh, wow! Ça, ben, honnêtement, tu sais, déjà en partant, je regarde les photos qu'il y a sur le site internet de kotaku.com. J'imagine qu'il fallait que je le dise avec un accent japonais. Alors voilà, c'est fait. Il y a quand même des bouts avec du poisson, des avocats. C'est vraiment fancy, là. Mais déjà en partant, toutes les McDonald's changent selon la région où tu es en temps normal. T'as du spaghetti ailleurs. C'est ça, tu sais, dans les îles, là, ils font bien du homard, puis bien du poisson. Donc, j'imagine en partant que si t'es au Japon, ils te servent quasiment des sushis au McDo. Je sais pas, je pense pas. Peut-être. Mais si on regarde la photo, ça ressemble vraiment à ça. C'est vrai. C'est construit pour avoir l'air de ça. Alors, vraiment fancy, hein? Les liens de tout ça sur assemblagerequis.com. On a parlé de beaucoup de choses dans cette chronique-là et on a goûté le produit, je vous le rappelle. Cadbury Dairy Milk présente Marvelous Mixes with Maynards. Donc, disponible en épicerie. Voilà, pour une grosse pointe d'adresse, on fait ça les jeudis à Assemblage Rugby. Dans quelques instants, ce sera Gabriel Béaud d'une participation spéciale du jeudi pour parler du match Olympiade de la Luitre qui s'en vient lundi. On vient dans deux minutes. Assemblage Rugby pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89 ans. Toujours à Assemblage Requis, en ce jeudi matin, 10 septembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et Tania Bourdin qui finit sa bouchée de chocolat Cadbury. Chercher des pastilles au caramel. J'en ai vraiment pas trouvé, en plus. C'est pas écrit sur la pastille de caramel. Gabriel, qu'est-ce que t'en penses, toi, les Marvelous Mixes? Délicieux. C'est bon, hein? Délicieux. C'était délicieux. Donc, c'est Gabriel Béhoud, la voix que vous entendez là. Vous n'êtes pas habitué de l'entendre les jeudis. En fait, vous n'êtes peut-être pas habitué de l'entendre en général parce que Colin, ça fait un petit bout qu'on lui a pas parlé depuis la session passée. Depuis le mois d'avril, probablement. Ouais, exact. Mm-hmm. Donc, accueillons-le officiellement pour vous donner un avant-goût de la prochaine édition de La Luitre. De la Luitre, la chronique où on parle d'improvisation. Et Gabriel Béaud est là, bonjour. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ah, super bien. Content de te revoir. Ouais. Même si c'est pas pour la session complète. Non, parce que je vais enseigner à des enfants. Oui. Déjà qu'il faisait un petit peu avec nous, mais tu sais, il va passer à une coche encore plus enfantine. Oh oui. Parle pour toi. regarde-moi ça. Donc, c'est ça, on parle d'improvisation. D'habitude, on commencerait la chronique en parlant d'un match précédent, puis on finirait avec un match suivant. Mais là, il n'y a pas eu de match encore. C'est une nouvelle saison qui commence. Non, mais je peux quand même te parler de la saison dernière où les Rouges ont gagné la Coupe. Les Rouges étant... Ton équipe. Mon équipe de cette année. Comment ça qu'ils ont gagné? C'est quoi leur talent qui a fait qu'ils ont gagné? C'était une équipe composée de joueurs formidables, jolis et talentueux. Qui était dans les Rouges à part toi? J'essaie tellement de te plugger. Philippe Grenier. Non. Philippe Grenier, Frédéric Bernard et puis Vanessa Fortier, ainsi que moi-même. C'est comme un dream team. C'est une powerhouse. C'est une powerhouse. Donc, c'est ça, les Rouges ont gagné. C'était un revirement de situation à la dernière minute. Oui, c'était un match très serré. Mais là, ce qui est cool, par contre, c'est que ça, c'est du passé. Oui. On aura tout à prouver cette saison. Tout à prouver. Parce que la nouvelle saison commence très bientôt. Exactement. Et toi, est-ce que tu vas être capitaine cette session-ci? C'est ça que j'ai entendu dire. Perspicace. C'est assez ébruité. Je vais être capitaine de l'équipe des Rouges cette année. Ça va être assez plaisant comme année. Ça va être révélé lors du camp dont on parlera plus tard dans la chronique. Est-ce qu'on y va dans l'ordre? Bien sûr, on peut y aller parce que lundi prochain, lundi le 14 septembre, il va y avoir une soirée spéciale. C'est un match sous forme d'Olympiade. Dans le fond, les quatre capitaines vont jouer. Mais là, j'entends les gens se dire, puis se gratter le crâne. Comment ça, je sais, quatre capitaines? Ouais. En fait, c'est parce que les équipes ne sont pas encore formées. puis ça, je te reviens là-dessus dans genre 30 secondes et demie. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais le match va opposer les quatre capitaines, et puis c'est sous forme d'épreuve, donc c'est pas un match régulier avec des impros soit comparé au mix. Il va y avoir de l'impro, évidemment, mais ça va être 5 épreuves. Les 5 épreuves, en fait, sont faites pour cibler 5 parties de l'improvisation qui peuvent être importantes. Je vais te nommer rapidement les petites épreuves. Ben oui. Il va y avoir une épreuve de concentration durant laquelle ben, on ne devra pas décrocher parce que les autres, ben, probablement qu'ils vont nous faire bien des niaiseries. J'espère qu'il n'y aura pas de référence genre à Auschwitz là-dedans. Là. C'est pas ce genre de concentration-là. Non, ça c'est... Le camp, c'est la semaine prochaine, c'est le 21-22. Ah, c'est l'autre semaine d'après, OK. T'en parles. T'as la concentration de semaine et le camp l'autre semaine d'après. Oui, exact, okay. Parce que les deux ensemble, ce serait un petit peu spécial. Antisémite. Oui, je pense que l'UQTA ferait part des lèvres. Il y a aussi une épreuve de jeu physique, c'est-à-dire que ce sera sans parole. Okay. Donc, parfois, on voit ça, là, des impôts sans parole ou c'est seulement du mime. Des effets sonores. Ouais. Voilà. Oui. On va aussi avoir une improvisation qui s'appelle... de style personnage. Ça, c'est des impros que moi, je trouve très, très cool. Sont des impros caméléons. C'est-à-dire que le même joueur doit faire plusieurs personnages. Et des personnages qui se démarquent les uns des autres et qu'on voit que c'est différentes personnes. Là. Exactement. Pas des variations sur un même thème. Là. Non, c'est ça. Ça peut pas être très soit Jerry. C'est ça. C'est une manière différente. Non, c'est... C'est vraiment des personnages différents, donc généralement avec une posture et un accent différent. C'est vraiment ouais. super le fun. Il va y avoir une improvisation à la manière d'eux. Donc, eh bien, Maxime Tanguay, qui sera l'animateur de la soirée, aussi un des arbitres de la Luitre cette année, va nous bombarder de styles différents. Comme par exemple, à la manière de Star Wars. Ouais. Ou à la manière d'un film de suspense. Hmm. Ou à la manière... d'un album de Megadeth. Ça peut être dans n'importe quel domaine, pas nécessairement un Non, ça va être seulement du cinéma, je pense. Seulement du cinéma. Mais justement, j'ai pas encore fait mes devoirs, et puis je vais devoir le faire, parce que... Il faut que tu les connaisses, là, toutes, là, parce que sinon... Oui, idéalement, pris, là. Parce que sinon, ben, t'as l'air d'un crétin. Depuis le début de l'histoire. Exactement. Tous les connaître. Ça doit être assez demandant, quand même. Ouais, c'est un petit peu exigeant. Moi, je suis pas une pro de l'impro, là. Si, par exemple, on te bombarde avec « Fais-moi un style John Hughes », Ouais, c'est John Hughes. Moi, déjà, en partant, je parle toutes les points. Exactement. Moi, on m'a demandé ça. Et puis, ben, John Hughes, à part avoir un beau nom, je sais pas si ça. C'est quoi? C'est Breakfast Club, ça? Ah, c'est lui, Breakfast Club. Aucune idée. Tu vois? J'en ai aucune idée. Tu l'as dit, puis tu savais toujours pas la réponse. Et voilà, j'en ai aucune idée. Il y a une improvisation qui va être de style punchline. Ça, ce sera très cool. Parce que dans cette impro-là, ben, on va vous réserver la surprise, mais. Savoir que ça devrait être assez cool. Puis ce qui est cool aussi, c'est que chaque capitaine va s'affronter entre eux. Puis Maxime Tanguay, qui est l'organisateur de la soirée, va avoir amené ses propres champions. Qui sont des tous joueurs vedettes. Exactement, qui sont tous des anciens joueurs de la Luitre. Donc, parce que la Luitre a eu 10 ans l'année dernière. Oui. Donc, c'est une manière aussi de le souligner. Là, tu pourrais jouer avec quelqu'un de connu dans le passé de la Luitre. Là, exactement, exactement. L'affronter. Contre des idoles. Exactement. Incroyable. Et puis... En fait, ben là, on va gagner des points parce qu'il va y avoir trois juges ainsi que le public. Okay. Donc, ce sera plaisant aussi de voir si les juges sont d'accord ou non. Le public va voter à chaque impro. Exactement. Et ça va valoir le quart de la note. C'est ça, ça donne des notes. D'accord. Et puis, au final, la personne qui gagnera aura peut-être un prix spécial. Le capitaine qui gagnera pourra peut-être avoir, au courant de la saison régulière, un avantage sur les autres. Oh, ça, ce serait quelque chose d'assez excitant. On peut pas en parler plus que ça, mais une arme secrète, peut-être. On sait pas, t'sais. On sait pas. Peut-être. Pour le reste de la saison. Oh, Colin, que ça m'excite. Mais avant la saison régulière, ben, faut former des équipes. Oui. Et puis, comment on forme les équipes à la lutte, Mathieu? Un camp. On l'a dit tantôt. Un camp. De sélection. De sélection. Pas de concentration. Pas de concentration. Et ça, ça a lieu le lundi suivant à la place de la lutte. Exactement. Donc, le lundi 21 et le mardi 22. Il y a un camp de sélection qui se produit. Ça va être au Michel Sarrazin à la salle Rodolphe Mathieu à 19h. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire au préalable. Nous vous invitons en grand nombre si vous trouvez drôle ou vous avez des bonnes idées ou juste parce que vous voulez vous faire des amis. Oui. Ben, alors, c'est la place. Vraiment n'importe qui peut y aller. Et c'est en effet ce qu'on a vu. C'est du n'importe qui par moment. Mais oh, c'est oui. Des gens très drôles. Mais c'est ce qui est cool. Et puis c'est qu'aussi, c'est que le camp de sélection, c'est pas nécessairement des improvisations. Certes, il va y en avoir. Mais ce sont des ateliers de formation. Donc, c'est super le fun pour des gens qui veulent parfaire leur connaissance de l'impro. Ben, c'est deux petites soirées où ben, ils vont avoir l'occasion de faire des formations qui qui vont les aider à grandir en improvisation. C'est pas nécessairement pour faire de l'improvisation plus tard, c'est peut-être aussi pour aller voir un match d'impro et de savoir comment ils se sentent, les joueurs d'impro. Non, exactement. Oui. Tu peux maintenant comprendre comment ils ont un stress avant chaque sketch. Mm-hmm. Bon, on avait des cours de ça à l'école de radio et télévision. Ah ben tu vois, ça a été éduqué. Ouais, on avait des ateliers d'impro. Bon, juste que j'étais pourri. Ah, Colin, que je te comprends, non. Ouais. Je ferais jamais ça. Donc le camp, c'est lundi, mardi. Ouais. C'est dans une salle un peu comme une salle de théâtre. Exactement. Avec une scène devant, donc vous allez apprendre à jouer devant le public. Même si vous voulez juste vous déjeuner, juste pour vraiment avoir une certaine facilité à parler avec les gens, c'est déjà un bon plus. Et puis il n'y a aucune gêne. Il y a plusieurs postes de joueurs et de subs qui sont ouverts cette année. Ouais. Et puis il n'y a pas de stress là. Les capitaines ne vous diront pas « t'étais pourri à mort ». Ils vont l'écrire sur leur feuille, ils vont le mettre dans la colonne. Ouais, exactement. Ils vont faire exactement. Scratch. Ça, les cheveux bruns, c'est non. Non. Donc, ça va être le fun parce que ben, cette année, vous aurez peut-être la chance de faire partie de l'équipe d'un des quatre capitaines. Est-ce que je les nomme? Est-ce que c'est... Ah oui, non, oui, non. Est-ce que c'est coulé dans le béton, là? Ce sont c'est, eux? Certainement, c'est coulé dans du béton armé. Allons-y. Lance-toi, on veut des exclusivités. OK, on ben veut dans le coin de l'écran, ouais, ou à gauche, exclusif. Exclusif avec 3X. On devrait faire un roulement de tambour. Capitaine de l'équipe des Rouges, Gabriel Béhoud. Le capitaine de l'équipe des Oranges, Alexandre Laramise-Wiki. Capitaine de l'équipe des Verts, c'est une dame. Elle s'appelle Nadia Tranchemontagne. Wow! Et puis, le seul et l'unique, le capitaine des Bleus, Vincent Rainville. Yeehaw! Ah, c'était malade. Aïe, aïe. Voilà. J'ai ressenti une tension. On est en manque de café, c'est pour ça. Ça va, ça. Et là, le camp est sur deux soirs pour pouvoir donner la chance à deux entraîneurs d'improvisation. Exactement. Là. Exactement. Donc, ce sera un soir, ce sera un formateur qui s'appelle Rémi Francoeur. Oh, c'est déjà dit ça en plus, hein? Oui, oui. Crime. Et puis l'autre, c'est Louis-Étienne. Les mêmes que l'année passée, finalement. Exactement. Et puis, ce qui est le fun, c'est que si vous pouvez venir à une seule des deux soirées, aussi, ben, ça vous donne quand même l'occasion d'être vu. Là. On choisit pas nécessairement seulement ceux qui viennent aux deux soirées. Non, mais pas c'est sûr que si tu viens aux deux, tu t'es fait voir deux fois plus. Exactement. Longtemps. Vous avez plus de temps de jeu, donc plus de temps de visibilité. On comprend que les gens qui viennent le lundi, ils ont sûrement pas de cours quand ils viennent à l'impro, alors que le mardi, c'est pas une journée d'impro habituellement, donc non, ils ont peut-être des cours. T'sais. Exact. Il y a pas juste les chers étudiants de l'UQTR qui écoutent, il y a la population de Trois-Rivières aussi. Est-ce que c'est n'importe qui peut venir regarder ça? Ah non, par contre, faut être inscrit à l'université parce que la Luître tient son nom. D'universitaire. Même pour aller voir. Non, pas pour aller voir. Je peux t'expliquer l'acronyme. Pour la aller Ligue voir. Universitaire d'improvisation Trois-Rivières. Hey, tu l'as dit voilà. Trop vite. Là. La Ligue universitaire d'improvisation Trois-Rivières. Ton toit t'es passé plante toujours en plus à la dire. Alors, si jamais on veut s'inscrire, il faut être inscrit à l'université. Et si jamais on veut venir voir, n'importe qui peut venir Exactement, voir. Exactement, parce que c'est les lundis soirs à la Chasse-Galerie, 20h. Gratuit. Et voilà. Et oui, c'est gratuit. C'est le fun de l'improvisation gratuite. Ah, c'est vraiment gratuite. Cool. Puis en plus, c'est animé par moi. Yes. Puis pour les gens là, qui sont jamais venus, je vous encourage à venir parce que c'est l'occasion de rencontrer plein de belles gens. Mm-hmm. Et puis, durant le spectacle, généralement, il y a des prix qui sont tirés, notamment de la bière. Voilà. Donc, déjà en partant, c'est bon, bon point. Et c'est il gratuit. Va y avoir beaucoup de gens lundi prochain. C'est ça, c'est gratuit. Puis on a des chances d'avoir de la bière. Gratuite. Incroyable. Juste pour avoir posé son popotin et rigoler un petit peu. C'est rare que tu utilises des beaux mots avec des plusieurs syllabes. Cul. Et après ça, la saison va continuer. Tant qu'à t'avoir, on peut dire qu'après le match, donc on rappelle, le lundi qui s'en vient, ça va être le match spécial Olympiade. Oui, exactement. L'autre lundi et mardi, quart d'entraînement, quart yes. de. Bon. L'autre semaine d'après, débute la saison régulière. Oui. Puis là, après ça, il y a de l'impro à tous les lundis. Tous Exactement, lundis. Tous les lundis jusqu'à la fin de la saison d'hiver. Ouais. Donc. UQTR.ca/impro, mettez yes. 3W, sinon des fois ça plante. Sinon, ben, vous pouvez liker la page de la Luitte sur Facebook. C'est une très bonne idée. Fancy. Donc, je m'attends à avoir plusieurs likes sur la page. Sinon, ben, je vais me faire mal. Ta loche sur le derrière de la tête. Exactement. De toi-même à toi-même. Oui. On va te retrouver les mardis à 9h. Oui, oui, oui. J'ai bien hâte. Moi aussi. Je sais pas si le chroniqueur va être de retour. Si le chroniqueur Gabriel Béhoud de Bout en train, oui, c'est qui est ton homonyme. C'est un hasard, en fait, les noms, je sais pas. Est-ce qu'ils ont les mêmes parents? On va se poser cette question-là, mais qu'on le rencontre mardi. Faut savoir si c'est un acronyme ou c'est ton frère. Moi, mais garde des surprises pour la prochaine fois. Je peux pas le dire. Garde des surprises. Puis mange d'autres petits jujubes avec du chocolat. Mmh. Mmh. Pas dans la peau. Merci Gabriel. À la semaine prochaine, mardi. Hey, merci à vous autres. À 8, à 9h. Yes, yes, mardi 9h. Mardi 9h. Bonne journée. Bonne fête semaine. Oui. On dirait que, tu sais, il dit sur un ton normal, mais ça me fait rire, ça. Juste, bonne fête semaine. Bonne fête semaine. Mais on dirait que c'est une joke. Mais c'est pas une joke. Il pense vraiment. C'est son ton de voix. Ça vient du cœur. On aime son ton de voix. Mais c'est ça. C'est ça, l'improvisateur. Ça fait rire à tout coup. Voilà. Alors, on va entendre une pièce du palmarès par Zurbin. C'est la vie. Et puis après ça, on vient avec la conclusion de l'émission. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 9h30. Sourcez-vous. C'est la vie, position numéro 14 du palmarès anglophone pour la période du 25 août au 13 septembre. C'est déjà presque la fin de l'émission, mais Colin, comme on a quelques instants, on peut jaser un peu avec Samuel de l'émission Génie en liberté qui s'en vient dans quelques instants. Hey, bonjour. Salut, ça va? Ben oui, ça va vous aussi? Ben oui. Ben oui. Super. Ta nouvelle saison qui a commencé la semaine, passée. Oui. C'est ça, alors que nous, on a commencé cette semaine. C'est rare qu'on commence après. Je sais pas, j'étais trop énervé. J'ai dit mais ça, go on a déjà quand même passé l'été ici en studio. Là, ouais. Comme, il était ici pareil, son émission c'est a bon continué. Point. En version écourtée un et peu. Et voilà. Là, tu reviens à... Ben, en fait, vous revenez, là, l'émission Génie en liberté, à une case horaire de 80. 90 minutes. Oui, exactement. Ça fait du bien là, de regagner la demi-heure. Et de commencer à parler de grands sujets là, de la vie et non pas juste de trucs. Grands sujets de la vie. Ben, hey, ça, là. La politique. La politique, l'actualité, l'économie. Ben oui. Tu sais, toutes des choses qu'en temps normal, on évite de discuter. Nous, hein, c'est ça, vraiment. Je me sacrifie pour la cause. C'est ça, voilà. Non, mais même ça, ça en prend, ça en prend. Ouais. C'est juste que c'est rendu difficile à discuter avec certaines personnes. Ben, les débats peuvent prendre un petit peu d'ampleur, puis des fois, ça devient... Les gens, ils prennent ça très personnel, en fait. Ouais. Non, c'est... Oui, pas mal. Mais ouais, ça, m'est passé une bulle bizarre, mais c'est la deuxième fois que je viens m'asseoir en studio pendant Assemblage requis, mais la première fois que je parle. Oh, oui. Quand même. Je me souviens pas que tu sois passé sans parler. Ben, c'est parce que c'était avant que je commence. Non, c'est ça, je m'y attendais juste. C'est ça, c'était je faisais de la console, puis il me regardait faire. Ben, c'est ça, fallait que j'apprenne un peu. Exact. Il y en a qui partent de zéro. Moi, je partais de moins 100 pour la radio. Arrête donc. Mais non, t'es tout bon, voyons. tout bon. Et avec ta petite émission, Geniale Liberté, avec Stéphanie, là. Mais oui. Moi, ça a du succès. Tout le monde en parle de cette émission-là. En gros, le concept d'émission, tu l'as dit, c'est économie, c'est nouvelle, actualité. Vous parlez de différents sujets. Oui, beaucoup de projets de recherche, développement, tout ça. C'est d'aborder ça d'une manière positive, d'amener des débats, vraiment de faire le tour des fois plus rapidement de tout ce qui s'est passé. C'est dur de tout suivre. On essaie de faire un condensé, tout vous amener ça. Et évidemment, j'essaie de le faire de manière soit un petit peu humoristique ou léger pour pas que ce soit trop lourd comme sujet. On essaie de s'amuser quand même. Ouais. Faut que je garde ma bonne humeur malgré tout. Exactement. Et tu as souvent des invités. C'est pas nécessairement tout le temps des invités par rapport à la politique. Je sais que tu as reçu un joueur de billard à un moment donné aussi. Oui, donc exactement. Tu varies vraiment les sujets. Oui, j'ai eu des musiciens. J'ai beaucoup d'enseignants ici à l'université qui viennent nous parler de projets de recherche, de projets avec des étudiants. J'ai des étudiants qui viennent nous parler de leurs projets aussi qu'ils font pendant leurs études. Sinon, j'ai des gens qui viennent parler de différentes causes qu'ils défendent. Donc, je ratisse quand même très large. Oui, je me souviens, cet été, on a parlé quand même du Grand Prix de Trois-Rivières. Oui, c'est vrai, tu as été une de mes invitées. Mais oui, voilà. Ah, ben, tu savais pas ça, hein, Mathieu? Ou sinon, Mathieu qui vient parler avec moi et Steph de jeux vidéo, de séries télé, de plein de belles choses comme ça. Exactement. Oui, on y voit large. Justement, Steph, qui ne sera pas là ce matin. Ben non, elle avait un empêchement. Malheureusement. Donc, la formule de ce matin se transforme en un « Sam vous jase de plein d'affaires ». Ça me tente de vous en parler. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui spécifiquement? Ben, très simple. J'ai vu beaucoup passer de textes sur la SAQ. Mm-hmm. Donc, pas des gens qui veulent se saouler et qui aiment trop boire. Là, c'est pas ça du tout. Mais c'est des gens qui veulent défendre le modèle de la SAQ. Alors que depuis que j'ai mon émission, je parle de changement de modèle à la SAQ. Donc, je vais parler de ces textes-là pour donner l'autre côté de la médaille. Ouais. Mais évidemment, je vais quand même dire qu'est-ce que je pense de leurs textes. Ouais, de leur monopole à la SAQ. Exactement. Donc, ça va être un des premiers sujets. Sinon, je veux parler évidemment d'éducation. C'est un des sujets que je vais aborder beaucoup cette session-ci. Et là, les dates de grève ont été annoncées, les premières. Oui, fin septembre, ça. C'est en plein ça, puis il y en a d'autres au mois d'octobre. Okay. Donc, je veux évidemment discuter de ça. J'étais censé avoir un invité pour ça ce matin. Ça va être reporté, donc évidemment, c'est un sujet qui va revenir au cours de la session. Ça se démode pas, ça. Oui, c'est ça. Il y a la campagne électorale. Il y en a qui l'oublient, mais on est en campagne électorale fédérale. Oui, avec Darth Vader, c'est pas encore des libéraux. Exact. Exactement. Dark Maul, je pense, mais en tout cas, ils ont tous été là. C'est ça. Puis sinon, il y a eu Diablo aussi qui était Diablo. Là. Ouais, exact. Il y a eu des shows aussi, mais ça, c'est une autre catégorie de blagues. J'ai pas vu passer ça. J'essaierai de te les envoyer si j'y trouve. Il y en a qui ont tous remplacé des chats sur les pancartes. C'est de toute beauté. C'est terrible. Ouais, avec des slogans un peu loufoques. Là. Cool. Mais c'est ça, donc... Cette idée de commencer ça 79 jours avant de voter, ça fait en sorte qu'on l'oublie complètement et que c'est très impertinent. Mais ça me fait rire, les gens qui chialent contre le 79 jours. Aux États-Unis, on parle des élections de 2016 depuis 2014. Effectivement. Les candidats sont 17. Ouais, c'est sérieux. Mais ils sont plus que nous, là. Oui, mais quand même, c'est long, là. C'est genre une année et plus. Là. C'est une année et plus, mais à 17 candidats, là, ça te prend quand même du temps à faire le tour de chaque candidat pour savoir ce qu'ils veulent vraiment. Je trouve ça vraiment long. Effectivement. Donc, c'est ça. Donc, je juste ramener un petit peu c'est quoi qui se passe dans cette campagne électorale. Ça va être vraiment ça. Là. Sinon, je me suis amusé à trouver quelques sujets d'actualité en rafale que je vais passer très rapidement pendant l'émission. En tout cas, on pourra avoir du contenu à jaser jusqu'à 11h, ça c'est bon, sûr. Ben c'est parfait ça. Donc pour pouvoir te laisser faire ton heure et demie, on va peut-être terminer l'émission ici à un moment donné parce qu'il arrive près de 9h30. En fait, le 9h30 vient de sonner. Ah, excellent. Ah, ça tombe pas merveilleusement bien. Ça, c'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. On remercie Gabriel Béhoud qui est parti en effet, mais qui est passé nous voir pour parler de la Luître. On remercie Samuel Girard qui vient juste de faire un tour. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça me fait plaisir. Donc, lundi à l'émission, on va voir David Ferron qui va être de retour avec sa chronique qu'il appelle la carte bleachée. Et on va aussi avoir le retour de Stéphanie Paradis à 9h. C'est Assemblage Requis lundi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Cif.ca pour la programmation complète. Restez à l'écoute pour Génie en Liberté, ensuite le dîner de con. Et puis plus tard aujourd'hui à 16h, il y aura Palmarès du Monde. Et puis en soirée à 20h, c'est Radio Sonic. Encore une fois, cifou.ca. On se quitte là-dessus. Et puis on dit à lundi. Eh bien oui, c'est bon, ça? À lundi. Bye.